Le château d'Epstein, chapitre 19. Le lendemain, les deux amants, car nous pouvons désormais leur donner ce nom, se retrouvèrent, à la leçon du matin, dans la grotte tapissée de mousse et chaude même en hiver. Everard avait la joie dans le cœur et dans les yeux. Rosemonde paraissait plus réfléchie et plus sérieuse que jamais. Il est inutile de dire qu'ils n'avaient dormi ni l'un ni l'autre. Le jeune homme, après le premier moment de surprise, avait passé la nuit dans une sorte de délire et d'ivresse. Aimé, il était aimé, et lui aussi il aimait. Ce qui avait rempli leurs deux pensées et leurs deux existences, ce trouble, ces langueurs, ces élans involontaires, c'était donc ce qu'on appelle l'amour. Une seconde vie se révélait à Everard. Mille doux souvenirs s'éclairaient d'un jour nouveau. Mille espérances rayonnantes brillaient dans son avenir. Oh, il ne serait plus triste maintenant. Si son destin devait être sombre, qu'importe, n'en avait-il pas maintenant près de lui un autre où se réfugier? Pour Rosemonde, sa veillée avait été pleine d'angoisses et d'effroi. Non que son âme courageuse se repentît d'avoir cédé à un entraînement irrésistible. Mais elle ne se pardonnait pas d'avoir apporté à Everard un nouveau sujet de malheur, d'avoir donné à l'injustice de Maximilien un nouveau prétexte de courroux. Était-ce ainsi qu'elle devait payer sa bienfaitrice Albine de tant de bonté? Car enfin son amour, pur aux yeux de Dieu, était répréhensible selon le monde. Et l'exemple de Conrad et de Noémie, qui avait fasciné Rosemonde la veille, l'épouvantait le lendemain. Où les avait menées leur passion sainte? À l'exil, au désespoir, à la mort. Et pourtant, le comte Rodolphe ne haïssait pas son fils comme le comte Maximilien haïssait Everard. Et Noémie ne devait pas à Conrad l'éducation, cette vie de l'âme. Voilà pourquoi, en arrivant à la grotte, Rosemonde était grave. Et pourquoi Everard était joyeux. Dès que le jeune homme aperçut Rosemonde, que, tout frémissant d'impatience, il attendait depuis bien longtemps, il courut au-devant d'elle. « Oh ! S'écria-t-il, Rosemonde, c'est vous ! Oh ! Les paroles manquent à mes lèvres ! Mais écoute, mais laisse-moi te dire un seul mot, un mot qui contient le monde, je t'aime, et un autre mot qui contient le ciel, Rosemonde, vous m'aimez !» Et le jeune homme tomba à genoux devant elle, les mains jointes et la regardant avec ravissement. « Everard, mon ami, mon frère, » dit Rosemonde avec un accent et un geste empreint de cette dignité qui ne l'abandonnait jamais. « Everard, levez-vous, et causons fraternellement, selon notre coutume. Je ne reviendrai jamais sur l'aveu tacite échappé à notre enivrement. Oui, je vous aime, comme vous m'aimez, Everard. « Ange du ciel, vous l'entendez ? » s'écria l'impétueux enfant. « Oui, continua la pensive Rosemonde. Oui, je le répète, car ces paroles ont je ne sais quel charme où l'âme se complaît. Je vous aime comme Noémie aimait Conrad. Mais pensez à Conrad et pensez à Noémie. Je vous donne ma vie. Je ne puis, hélas, accepter la vôtre. Vous dites quelquefois que vous apercevez un grand malheur à votre horizon. Ce malheur, si c'était par moi qu'il dût vous venir, Everard, ah, j'en mourrais d'abord. Je veux bien être malheureuse, moi, mais souffrir en vous, ce serait au-dessus de mes forces, je vous préviens. Le mieux serait donc d'oublier le rêve dangereux que nous avons fait hier au soir. J'oublierai donc ma vie, reprit Everard, car ce rêve, c'est mon souffle, c'est mon être, c'est mon existence. Ce rêve, c'est moi. Dorénavant, rien ne peut plus nous séparer, Rosemonde, et vous êtes à moi comme je suis à vous. « Qui parle de nous séparer ? » dit Rosemonde. « Âme ferme, mes cœurs ignorants, qui obéissaient sans s'en douter aux subtils conseils d'une passion impérieuse. Nous pouvons rester ensemble, Everard, mais à condition que nous vivrons comme par le passé, que nous effacerons l'un et l'autre cette fiévreuse soirée de nos mémoires, que nous reviendrons au calme et à la sainteté de nos entretiens d'autrefois. À la condition, Everard, que mon frère me servira de sauvegarde et d'appui, et que nos mères, ces deux saintes, resteront présentes entre nous. Si vous le voulez ainsi, nous aurons encore bien des jours heureux, car j'avoue qu'il m'en coûterait trop, vraiment, de renoncer tout de suite à notre douce intimité. Mais si nous faisons avec courage et résignation notre devoir, Dieu nous soutiendra et nous aimera, et il faut penser que l'avenir est dans sa main. L'avenir, c'est cela, dit Everard avec amertume. Ajournons notre bonheur comme on ajourne un créancier qu'on n'est pas en état de payer. Everard, mon ami, mon frère, dit Rosemonde en regardant tristement Everard, pourquoi cette ironie et cette injustice? Les joies paisibles et pures qui vous suffisaient hier vous semblent-elles méprisables aujourd'hui? Ne voulez-vous plus que votre amie, votre sœur, soit sacrée pour vous, honorée pour tous? Oui, Rosemonde, oui, il faut que tout le monde vous honore et vous vénère, et c'est bien pour cela qu'il ne faut point nous borner, pour l'avenir, à des paroles incertaines. Écoutez, mon abandon qui, Dieu et ma mère le savent, m'a fait verser tant de larmes amères, me plaît et me sert aujourd'hui. Mon père a décidé qu'à la condition qu'il ne serait plus rien pour moi, je ne serais plus rien pour lui. Je suis donc libre et maître de ma vie. Eh bien, ma vie est à vous. Je ne vous la donne pas, c'est Dieu qui vous la donne, puisque, en me faisant orphelin, il m'a remis le droit d'en disposer. Acceptez-la seulement, je vous en conjure, Rosemonde, acceptez-la, soyez ma femme. Hélas, hélas, Everard, c'est ce qu'a dû dire Conrad à Noémie. Et Noémie, rappelle-toi, Everard. Noémie est morte sur l'échafaud, n'est-ce pas? Mais moi, ce n'est pas un mariage secret que je vous propose, Rosemonde. Non, c'est un mariage au grand jour, dans la chapelle d'Epstein. Un mariage reconnu par les hommes et par Dieu. Un mariage que je ne cacherai pas même à mon père. Les livres que vous m'avez fait connaître m'ont un peu appris le monde. Et j'ai deviné à peu près, je le crois, les desseins et les sentiments du comte Maximilien. Si je cherchais à m'élever, à paraître, si je cherchais ma part dans sa gloire et dans l'éclat de son nom, si je réclamais ma place au soleil de la faveur impériale, il me maudirait et m'accablerait. Mais que je me cloître dans l'obscurité, que je me ferme les portes de la cour et de la renommée, que dans ces idées étroites je descende et je me mésalie, cela ne l'offensera point, je vous le promets, et loin de me détourner de cette voie, il m'y pousserait s'il le pouvait. Je le gêne là-bas dans son ambition et dans sa vanité. Et il sera heureux, croyez-le bien, Rosemonde, d'être débarrassé de moi par moi-même. Du moment que j'aurai élevé entre nous cette barrière, et où il n'aura plus à rendre de moi à personne un compte qui le ferait rougir. Du moment qu'il pourra m'accuser seul et se plaindre, le beau rôle lui appartient, et il me saura gré secrètement de le lui avoir donné. Il pourra alors penser tranquillement à sa propre fortune dans le présent et à celle de mon frère aîné, dans l'avenir. Albert sera vraiment son seul fils désormais. Je ne pourrai plus venir, tiers importun, me jeter à la traverse de leur sublime projet. Je serai un enfant rebelle qui, comme Conrad d'Epstein, aura épousé une simple paysanne et que son père aura légitimement renié. Comme Conrad, le monde m'oubliera aujourd'hui et m'oubliera demain. Mais comme Conrad, nous n'aurons pas besoin de fuir. Rien ne nous force à changer de vie et à déplacer notre félicité. Le comte d'Epstein vit et demeure à Vienne, et d'après la lettre même qu'il m'a écrite, il ne s'en éloignera jamais. Et nous, Rosemonde, nous pourrons rester ici, dans la maison de votre père, seuls et ignorés, c'est-à-dire calmes et heureux. Allez, Rosemonde, allez, vous pouvez bien accepter. Ce n'est pas le riche héritier de la maison d'Epstein qui vous offre sa main. C'est un proscrit bien pauvre, bien misérable et bien obscur, à qui vous, généreuse fille, vous apportez la sérénité de votre front, la joie de votre regard, le trésor de votre amour. Voyons, est-ce que ce dévouement que je réclame de vous ne vous sourit pas? Est-ce que notre union ne serait pas le paradis? Et ce paradis, Rosemonde, lorsque je vous l'offre, moi, Everard, votre frère, votre ami, est-ce que vous aurez le courage de le refuser? Everard, Everard, ne me tentez pas, dit Rosemonde d'une voix troublée, mais en repoussant le jeune homme avec fermeté. Oui, c'est le ciel que vous m'offrez, mais nous sommes sur la terre, et vous êtes un enfant et un insensé d'espérer le bonheur absolu, comme vous étiez un blasphémateur et un impie quand vous pressentiez sans hésitation un avenir tout misérable. Hélas, pauvre faiseur de songes que vous êtes, ne savez-vous point que le mieux ici-bas est de ne pas rêver, mais d'attendre? Rosemonde, Rosemonde, s'écria Everard, ne me rejetez pas dans les angoisses de ma destinée. Ce malheur que mon instinct prévoit, il me semble que vous auriez le pouvoir de le détourner et de changer d'un seul signe, comme une fée bienfaisante, tous mes doutes en illusions. Si vous me repoussez, au contraire, je penserai que vous avez peur de partager la dot de souffrance que me garde la destinée. Oh, ne dites pas cela, ne croyez pas cela, reprit vivement Rosemonde. Je n'ai peur que de provoquer vos peines, mais m'y associer, je vous le jure, serait une véritable joie. Eh bien, c'est convenu alors. Vous êtes à moi, Rosemonde, vous êtes ma femme. Vienne après cela la douleur, vienne la mort. Un jour de paradis avec vous sur la terre, et qu'il se continue ici-bas ou là-haut, qu'importe. Et le jeune homme parlait avec tant de force et tant d'éloquence, il avait en lui tant de flamme, que Rosemonde se sentait, comme la veille, fascinée, entraînée. Elle était tombée assise sur un quartier de roc, lui s'était retrouvé comme par enchantement à ses genoux. Elle regardait vaguement autour d'elle la grotte, ces bancs de mousse, ces lieux témoins de tendeurs délicieuses et calmes passés ensemble. Dans son cœur, elle éprouvait le bonheur des anges et se laissait aller, elle, l'immaculée, la noble enfant, aux périlleuses émotions, au prestige étrange de ce bonheur. Puis le silence même qui l'entourait était plein de troubles et de séductions. Ce furent précisément la vivacité et la nouveauté de ces sensations qui réveillèrent la fière et chaste vierge. Passant la main sur son beau front pour en effacer jusqu'au reflet des pensées qui faisaient monter son cœur, elle se leva tout à coup et ordonna d'un geste ferme à Everard de se lever aussi. Puis, se tenant debout devant son amant subjugué, elle lui dit avec un calme plein de force et de décision. « Frère, pas de faiblesse ni de dangereux songe. Devons-nous en une minute, sans réflexion, et comme des enfants étourdis, engager, je ne dirais pas nos âmes, hélas, nos âmes sont engagées dès longtemps, mais nos existences. Frères, du courage, du sang-froid, et envisageons avec tranquillité l'avenir que Dieu nous a fait, la route que nous devons suivre. Ah, vous réfléchissez, s'écria Everard, donc vous ne m'aimez pas? Je vous aime saintement, Everard. Dieu le sait, et il y a dans mon cœur, quand je pense à vous, quelque chose de doux et d'enivrant, mais aussi quelque chose d'auguste et, pour ainsi dire, de maternel. Vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas, répétait Everard. Écoutez, Everard, répondit la sincère et forte Rosemonde, il me semble qu'en effet, si je vous aime, ce n'est pas d'un amour pareil au vôtre. Je vous aime selon ma nature, probablement. Néanmoins, je puis vous attester une chose, car, remise de mon trouble, j'ai beaucoup pensé cette nuit, beaucoup sondé mon âme. Or, écoutez, je vous promets et je vous jure, Everard, que, si je n'appartiens pas à vous, je ne serai à personne en ce monde qu'à Dieu, et que l'idée d'unir mon destin à un autre que vous, Everard, m'est insupportable. Si cela pouvait vous consoler et vous apaiser un peu, j'en serais bien heureuse. Cela me ravit aujourd'hui, Rosemonde, mais est-ce assez pour demain? Demain comme aujourd'hui, mon existence est à vous, Everard. Mais croyez-moi, n'enlevons pas à notre amour la sanction de la souffrance et du temps. Réservons les droits du malheur. J'imagine que, si nous acceptions notre joie sans nous soumettre à aucune épreuve, le sort s'en vengerait et l'on m'a appris à faire en toute chose la part de Dieu. Qu'est-ce que je vous demande? De la patience. J'ai peut-être tort déjà de vous laisser un espoir chimérique sans doute, de n'être raisonnable qu'à demi et pour le présent seulement. Mais quoique vous disiez que je ne vous aime pas, l'effort est au-dessus de mon courage, et je ne puis, comme cela, renoncer à tout le bonheur entrevu. Pardonnez-le-moi, mon Dieu, ô ma mère, ô Albine, pardonnez-le-moi. Ô ma mère, Rosemonde, ma mère non seulement vous pardonne, mais vous remercie pour son fils, car vous allez rendre ma vie, de sombre et triste qu'elle était, belle et rayonnante. Et tenez, Rosemonde, en son nom, et que ce nom révéré sanctifie ma pensée et mon action, en son nom, acceptez cet anneau qu'elle portait étant jeune fille. Prenez-le pour l'amour d'elle et de moi, et, puisque vous daignez ne pas me fermer l'avenir, que ce gage vous fiance à moi, ma sainte adorée. Everard, Everard, vous le voulez? Je prie et j'implore, dit Everard. Écoutez donc mes conditions, reprit Rosemonde. Oh, j'écoute, j'écoute. D'abord, si je m'engage à vous, et je le fais de grand cœur, j'entends que vous restiez libre, entièrement libre. Ah, Rosemonde! Je le veux, Everard. En outre, tout en gardant dans notre âme le souvenir de cette matinée solennelle, nous ne nous en reparlerons jamais. Nous redeviendrons ce que nous étions hier, frères et sœurs. Nous reprendrons nos leçons et nos entretiens paisibles. Jamais le mot « amour » ne sera prononcé entre nous, et nous attendrons ainsi, calmes et confiants, les changements du temps et de la Providence. Mais mon Dieu, cette douloureuse épreuve n'aura-t-elle point un terme? Dans 2 ans, le jour où nous aurons 20 ans tous deux, Everard, vous déclarerez votre intention à votre père, et nous verrons. 2 ans? Dans 2 ans? Oui, frère, acceptez-vous ma volonté expresse, irrévocable? Je m'y résigne, Rosemonde. Mettez donc votre anneau à mon doigt, Everard. Merci, ami. De ce jour, je suis votre fiancée dans mon cœur. Mais de ce moment, je redeviens votre sœur dans mes paroles. Chère Rosemonde. Montre-moi la fin de ta traduction d'Hamlet, Everard. On comprend bien que, malgré l'héroïque résolution des enfants, la leçon de ce jour-là fut courte et troublée par quelques distractions. Ils ne faiblirent pas néanmoins, et quand ils se quittèrent, ils étaient restés fidèles à leurs promesses et à eux-mêmes.